Je suis dans un sens unique et ce panneau de danger m'avertit que je me dirige vers un carrefour à sens giratoire. Les trois flèches symbolisent le sens de circulation sur le rond-point qui est contraire à celui des aiguilles d'une montre. À hauteur du carrefour, ce panneau signifie que je devrais céder le passage à gauche, uniquement, puisque sur l'anneau d'un rond-point, les véhicules ne peuvent venir que de la gauche. Réponse B et C.